بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo qui se veut être un conseil concis, inshallah, sur l'importance de la langue arabe et l'importance de son apprentissage. La langue arabe, qui est une langue qui a été honorée par Allah subhanahu wa ta'ala du fait que c'est la langue qui a été choisie pour la révélation du Coran et de la Sunna. Donc cette langue n'est pas une langue comme les autres, mais c'est une langue qui a un statut particulier, c'est la plus importante des langues pour le musulman. Les savants, pour illustrer l'importance de cette langue, donnent souvent l'image de la clé pour la maison. La langue arabe, c'est la clé qui nous permet d'accéder à la révélation, au texte coranique et à la Sunna prophétique. Donc sans clé, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison. Vous pouvez tourner autour, regarder à travers la fenêtre, peut-être même sentir quelques odeurs qui émanent de cette maison, mais en aucun cas vous ne pouvez rentrer à l'intérieur de la maison. Et c'est pareil avec la langue arabe. Si vous ne possédez pas cette langue, vous ne pouvez pas pénétrer la science islamique. Vous ne pourrez donc pas apprendre votre religion, alors que ceci est une obligation pour tout musulman, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Et si donc apprendre la religion est une obligation pour chacun d'entre nous, pour chaque musulman et musulmane, et que ceci ne peut se faire qu'à travers la langue arabe, cette langue arabe devient également une obligation en vertu de la règle communément acceptée des savants, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ce par quoi seule une obligation peut être accomplie est elle-même une obligation. Et c'est pour cette raison que Cheikh Al-Uthaymeen dit que les non-arabophones n'ont pas d'excuse du fait que le Coran n'est pas dans leur langue. Mais plutôt, il dit qu'il est de leur devoir d'apprendre la langue du Coran. Car si la compréhension du Coran de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être qu'avec l'apprentissage d'un langue arabe, alors l'apprentissage de cette langue, devient une obligation. Et quant à celui qui pense qu'il peut accéder à la science islamique sans cette langue arabe, c'est une utopie. Et c'est pour cela que beaucoup de savants ont mis en garde contre cela, notamment le grand savant Al-Allama Taqiyuddin Al-Hilali, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a dit « وَقَدْ تَبَيَّنَ لِي أَنَّ تَمَسُّكَ بِالْإِسْلَامِ مَعَ فَقْدِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَةِ نَفْرٌ فِي الرَّمَادِ وَضَرْبٌ فِي حَدِيدٍ بَارِدٍ » Ce qui signifie que il m'est apparu que l'attachement à l'islam, le fait de tenir son islam en l'absence de la langue arabe, c'est-à-dire de la connaissance de cette langue, est comme souffler sur des cendres ou battre le fer froid. Et les salafs, les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, l'avaient très bien compris. C'est pour ça qu'on a de nombreux textes qui nous montrent l'importance d'apprendre la langue arabe, notamment Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, de qui il est rapporté qu'il a dit « Apprenez la sunna et apprenez l'arabe, apprenez le Coran en arabe, car il est en arabe. » Et il a rapporté également que les salafs, as-salih, frappaient leurs enfants lorsque ceux-ci commettaient des fautes de langue au vu de l'importance de la langue arabe à leurs yeux. Et il est triste de constater que l'importance de cette langue a disparu dans le cœur de bon nombre d'entre nous. Il est triste de voir que beaucoup de musulmans donnent aujourd'hui la primeur à des langues étrangères car celles-ci vont leur apporter un bénéfice mondain. Alors il n'est pas ici le but de dire que l'apprendre des langues étrangères est interdit, mais en aucun cas elles doivent avoir la préférence sur la langue arabe qui, elle, est la langue de notre religion et qui nous permet d'accéder à la compréhension de notre religion. Et donc apprendre la langue arabe, étant donné que c'est quelque chose qui est demandé, amrun matloub fi dinina, quelque chose demandé dans notre religion, l'accomplir, c'est être en adoration. C'est une ibada. Et donc on peut en espérer des récompenses. Et comme toute adoration, elle est soumise aux conditions d'acceptation qui sont à l'ikhlas ou à l'mutaba'a. Donc lorsqu'on apprend l'arabe, il faut absolument que cet apprentissage soit exclusivement voué à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'apprend pas l'arabe pour une notoriété. On n'apprend pas l'arabe pour un profit mondain, même si on peut être amené plus tard à l'enseigner, mais ce n'est pas ce qui pousse notre acte. Et sachez, mes très chers frères, que la langue arabe fait partie de ce qu'on appelle les sciences-outils, al-ulum ul-ala. Et donc, comme toute science, elle rentre dans la catégorie de la subsistance. La science est une subsistance. Et elle se demande donc à Allah, comme Allah Azza wa Jalla a ordonné à son prophète, « Qul Rabbi zid li ilma. » Et comme l'ont dit beaucoup de savants de l'exégèse, Allah Azza wa Jalla n'a pas ordonné à son prophète de demander l'augmentation d'une chose si ce n'est la science. Donc cette science est une subsistance et elle se demande à Allah Azza wa Jalla. Donc il faut demander à Allah Azza wa Jalla pour toute personne qui éprouve des difficultés Et c'est souvent le cas lorsqu'on se met à apprendre cette langue à un âge avancé. Shaitan, de temps en temps, vient faire son travail de découragement. On se voit trop vieux pour apprendre. Qu'Allah! Oh que non! Il faut demander à Allah Azzawajal de l'aide. Et c'est Allah qui rend facile les choses. Et il faut demander cela avec insistance, avec ce qu'on appelle al-ilhah. Allah Azzawajal aime qu'on insiste dans nos demandes. Et cette ilhah, cette demande avec insistance, elle ne pourra être possible que si déjà dans un premier temps, dans notre cœur, il y a une urgence. Si dans notre cœur, il y a une réelle frustration, tristesse de ne pas être arabophone. Et comment pourrait-il en être autrement? Comment peut-on sortir du khutbat al-jum'a, n'avoir rien compris à ce que dit l'imam ou très peu, et ne pas être frustré? Comment peut-on lire le Coran, car on sait lire, mais on ne comprend rien à ce qu'on lit, et que nous ne soyons pas frustrés? Comment peut-on passer des heures en prière pendant Ramadan, salat al-taraweeh, et ne pas comprendre un mot de ce que dit l'imam, et ne pas être frustré? Ne pas être arabophone, c'est se condamner à rester dans la médiocrité dans sa religion. Comment peut-on accepter la médiocrité dans sa religion? Et quand je dis la médiocrité, j'entends par là que, comme on l'a dit au début de cet audio, il est impossible d'accéder à la science islamique sans cette langue. Donc c'est se condamner à ne pas accéder à la science. Cette médiocrité qui, lorsqu'elle touche notre vie mondaine, nous ne l'acceptons pas. Si dans un secteur professionnel particulier, on se retrouvait bouché, on courait immédiatement aller se former pour se réorienter. Comment peut-on l'accepter alors pour notre religion qui est notre capitale? Quelles excuses allons-nous donner à Allah subhanahu wa ta'ala? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus, et ne toujours pas comprendre l'arabe. Est-ce que cette religion a si peu d'importance dans nos cœurs? Et on demande à Allah azawajal de nous réformer et de nous sortir de l'insouciance. La langue arabe, c'est la clé pour ta compréhension dans la religion. La langue arabe, c'est la clé pour aller directement à la source, c'est-à-dire la parole des savants. La langue arabe, c'est ta fierté de parler la même langue que ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle absolu. La langue arabe, mes très chers frères, mérite toute notre attention et tous nos efforts, car les bénéfices de son acquisition sont énormes dans notre vie de musulmans. J'ai voulu ce conseil pour moi-même en premier lieu, puis ensuite pour mes frères, et je demande à Allah azzawajal à l'ikhlas dans mes paroles et mes actes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.